Yesterday, I explained three kinds of dukkha. Dukkha, intrinsic suffering. Viparinama dukkha, suffering and change. Sankhara dukkha, suffering due to formation. Hier, je vous ai expliqué les trois dukkha, la souffrance intrinsèque, viparinama dukkha, la souffrance due au changement, et sankhara dukkha, la souffrance. Yeah. Aujourd'hui, je vais vous parler de sampajana, la claire compréhension. Lorsqu'on pratique vipassana, il faudra s'efforcer de comprendre clairement l'enseignement du Bouddha. L'enseignement du Bouddha, c'est anicca, dukkha et anatta. Si nous ne réalisons pas anicca, dukkha, anatta, il ne sera pas possible de développer les connaissances vipassana. Si nous ne développons pas les connaissances vipassana, nous ne pourrons pas obtenir l'un des bénéfices de la pratique, c'est-à-dire la réalisation du chemin et du fruit, autrement dit l'illumination. C'est pour toutes ces raisons qu'il faudra développer sampajana. Sampajana veut dire claire compréhension. C'est voir les choses clairement, à fond. Quel que soit l'objet d'observation, il faudra le voir clairement, à fond. Si ce sont les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen que vous observez, par exemple, il faudra être capable de les observer pendant toute la durée du processus. Il faudra les voir et maintenir l'attention du début à la fin du mouvement, sans penser. Mais il ne faudra pas se limiter au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il faudra également observer avec cette même qualité d'attention tout ce qui se manifeste aussi porte sensorielle. Pour voir clairement, à fond, complètement, il faudra fournir un effort. Cet effort, c'est l'énergie mentale et l'énergie physique. Il faudra fournir un effort au moment où vous observez l'objet. L'esprit doit adhérer à l'objet pour le voir clairement, à fond, complètement. Le Bouddha recommande aux méditants de fournir un effort. Dans les commentaires, il est dit qu'il existe quatre types de sampajana. Tout d'abord, sataka sampajana. Ensuite, Sapaya Sampajana, Gochara Sampajana et Asamoha Sampajana. Sataka Sampajana, c'est la claire compréhension de ce qui est bénéfique. Sapaya Sampajana, c'est la claire compréhension de convenance. Gochara Sampajana, c'est la claire compréhension du domaine du yogi. Et Asamoha Sampajana, c'est la claire compréhension non illusionnée. Pour ce qui est de Sataka Sampajana, la claire compréhension de ce qui est bénéfique, il s'agit de voir, avant de se lancer dans une entreprise, de voir quels en sont les bénéfices. Pour ce qui est de Vipassana, nous devrons donc également nous poser la question de savoir si cette pratique amène des bénéfices. Le Bouddha nous garantit que si nous pratiquons les quatre établissements de l'attention, nous obtiendrons sept bénéfices. La purification des êtres, la victoire sur le chagrin et les lamentations, la disparition de la souffrance physique et de la souffrance mentale, l'atteinte du noble chemin et du noble fruit, la réalisation de Nibbana. Si nous en connaissons les bénéfices, nous voudrons pratiquer Vipassana. Nous ne serons pas négligents. Sachant que par cette pratique nous pouvons atteindre le noble chemin et le noble fruit, nous allons fournir un gros effort. Nous allons pratiquer cette méditation dans le but d'obtenir ses bénéfices. Nous allons suivre attentivement les instructions. Nous ne ferons rien d'autre si ce n'est être attentifs. Nous allons travailler de façon respectueuse. De cette façon, nous pourrons obtenir les bénéfices qui sont annoncés par le Bouddha. Mais si nous ne pratiquons pas ainsi, nous ne les obtiendrons pas. La deuxième claire compréhension, c'est donc la claire compréhension de convenance. Est-ce approprié ou pas? Lorsque nous pratiquons la méditation vipassana, il ne faudra pas pratiquer d'autres techniques. Si nous pratiquons une autre technique, il est fort probable que nous soyons dans la confusion. Si nous sommes dans la confusion, nous ne pourrons pas voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est pour cette raison que ces autres pratiques ne sont pas appropriées lorsqu'on pratique Vipassana. Certaines personnes, certains yogis, sont habitués à pratiquer d'autres techniques, comme le yoga par exemple. J'aime pratiquer le yoga, vous direz-vous, et donc je vais faire quelques exercices de yoga pendant la retraite. Mais au moment où vous pratiquez le yoga, vous oubliez d'être attentif. Si vous n'êtes plus attentif, vous ne comprendrez pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Et c'est la même chose pour les autres pratiques. Vous pourriez vous inquiéter et vous dire que vous en avez besoin pour votre santé. Mais ne vous inquiétez pas. Le Bouddha nous explique qu'en suivant ses instructions, nous pourrons maintenir le corps et l'esprit en équilibre. Ces autres techniques, comme le yoga par exemple, sont probablement bénéfiques, mais elles ne sont pas appropriées lorsqu'on pratique Vipassana. Nous pratiquons Vipassana pour nous libérer de la souffrance, et nous devons donc respecter notre pratique. Le Bouddha nous demande de pratiquer en posture assise, en marche et dans les activités quotidiennes. Nous n'allons donc pas pratiquer uniquement en posture assise. Nous allons rester assis pendant 1 heure et ensuite nous allons passer à la marche. De cette façon, nous allons équilibrer notre pratique et nous ne nous sentirons pas trop fatigués. Les 5 facultés, Sadda la confiance, Viriya l'énergie, Sati l'attention, Samadhi la concentration et Panya la sagesse, doivent être en équilibre. Ces 5 facultés doivent fonctionner harmonieusement. Nous pourrons alors expérimenter les bénéfices de la pratique. Sapaya Sampajana, c'était donc la claire compréhension de ce qui est approprié. Gochara Sampajana, c'est la claire compréhension du domaine du yogi. Le domaine du yogi, ce sont les 4 établissements de l'attention. Toutes les activités corporelles devront être notées. C'est la contemplation du corps. Toutes les sensations, qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres, devront également être notées. Tout ce qui se passe dans l'esprit, la conscience, devra également être notée. Et enfin, les dhammas devront être notés, c'est-à-dire voir, entendre, sentir, goûter, toucher et penser. Si vous restez dans votre domaine, donc dans les 4 établissements de l'attention, vous allez pratiquer et noter tout ce qui se passe en vous au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Vous allez noter tous ces phénomènes très attentivement. Si vous réussissez à le faire, vous allez réussir à comprendre clairement. Votre esprit ne sera pas illusionné. Lorsque vous observerez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous verrez très clairement ces 2 mouvements. Vous verrez très clairement les sensations. Lorsque vous pratiquerez la marche, vous verrez très clairement que vous fassiez 1 note à chaque pas, 2 notes à chaque pas ou 3 notes à chaque pas. Ou même, si vous êtes très attentif, si vous faites 5 ou 6 notes à chaque pas. Si vous réussissez à voir clairement, à comprendre à fond, complètement, la joie va se manifester. Vous serez heureux avec votre attention. Mais cette joie est très différente des joies ordinaires. Nous sommes des êtres ordinaires, des putujana, et nous nous complaisons donc dans le monde des plaisirs sensuels. Nous aimons entendre, nous aimons voir, nous aimons sentir, nous aimons goûter, nous aimons toucher et nous aimons penser. Mais ici, nous pratiquons la méditation et nous ne laissons pas notre esprit s'évader. Nous le maintenons sur les différents objets. L'esprit ne s'envole pas. Vous pouvez le constater par vous-même. Votre esprit reste sur les différents objets. Il va alors se sentir serein, clair et pur. Si l'esprit devient serein, clair et pur, la joie du Dhamma va se manifester. Mais cette joie du Dhamma n'est pas à comparer avec la joie ordinaire, celle qui s'enracine dans les plaisirs sensuels. C'est pourquoi le Bouddha a dit que le bhikkhu qui se retire dans un endroit isolé, avec un esprit calme, capable de percevoir clairement le Dhamma, va expérimenter la joie. Cette joie qui s'enracine dans l'intention Dhammapiti est dite Amanusi, ce qui veut dire qu'elle n'est pas comparable avec les joies ordinaires. Les joies ordinaires, celles que l'on est susceptible d'expérimenter dans la vie de tous les jours, sont des joies qui vont passer et qui donc vont entraîner la souffrance. Mais Dhammapiti est une joie qui s'enracine dans l'attention. Elle s'accompagne de calme et de sérénité. Vous pourrez constater par vous-même que ce type de joie n'est pas à comparer avec les joies ordinaires. Hier, je vous ai parlé de Sankhara Dukkha, la souffrance due aux formations. Si vous êtes très attentif, si votre attention se développe et devient ininterrompue, vous pourrez noter tous les phénomènes avec précision. Au début, ceci n'est pas possible. Vous essayez d'observer sans interruption les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, mais votre esprit refuse de rester sur ces objets. Il s'envole constamment dans les pensées, dans les imaginations, les projets d'avenir, les souvenirs. Votre esprit n'est pas calme, il n'est pas tranquille. Vous allez alors travailler avec détermination. Vous allez fournir un gros effort pour noter le plus souvent possible. Vous allez progressivement vous familiariser avec les mouvements de l'abdomen et avec tous les autres objets qui se manifestent à chaque instant. Votre attention se développe et devient une véritable force. Lorsque vous disposerez de la force de l'attention, vous serez en mesure de voir le changement qui se produit à chaque instant, et votre esprit va devenir calme à observer tous ces changements. Au début de la pratique, lorsque les sensations désagréables se manifestaient en vous, vous étiez irrité, vous aviez le désir de changer de posture, votre esprit n'était pas calme et vous ne réussissiez pas à noter ces sensations désagréables. Progressivement, votre attention s'est développée, vous l'avez construite. Vous êtes devenu habile dans l'art d'observer la sensation désagréable. Vous réussissez à ne pas changer de posture, vous réussissez à noter cette sensation désagréable, vous l'acceptez. Votre esprit se calme et se stabilise. Un esprit calme et stabilisé commence à voir les apparitions et disparitions. Il voit que les sensations peuvent parfois devenir très intenses et qu'elles peuvent parfois diminuer d'intensité. Il voit qu'elles peuvent parfois changer de place. L'esprit a mûri, il voit le changement. Il voit que la douleur peut parfois disparaître. Et de cette façon, progressivement, il n'est plus affecté par la sensation désagréable. Alors qu'au début, il l'était. Il va ainsi observer les disparitions éventuelles des sensations désagréables et voir les changements. Tout ceci va le rendre très excité. Il a expérimenté le changement. Il voit que les sensations désagréables peuvent disparaître et tout ceci agite son esprit. Il voit les sensations douloureuses qui vont et viennent. Mais petit à petit, il va s'habituer. Il va alors se calmer, son esprit va s'équilibrer, il ne ressentira plus ni excitation ni déception face aux sensations. Ces sensations vont être ressenties comme neutres. Le corps va alors se sentir très à l'aise, très tranquille. L'esprit également sera très à l'aise, très tranquille, très frais. Tout simplement parce qu'il n'y aura aucun désir, aucun attachement. Il n'y aura aucun attachement à la sensation. Tout sera ressenti comme neutre. La tranquillité de l'esprit se dit en pali Santa Citta. Si donc votre attention s'est développée, vous allez expérimenter Santa Citta. Mais si vous ne pratiquez pas et que vous ne développez pas votre attention, votre esprit ne va pas se tranquilliser. Vous allez donc fournir un gros effort, travailler avec détermination. Vous allez essayer d'observer les différents objets dans le corps et dans l'esprit sans interruption. Et de cette façon, petit à petit, Santa Citta va se manifester. Votre esprit va alors devenir très paisible. Tout ceci est dû à la méditation. Et c'est pour cela qu'il est dit dans les Écritures que le bhikkhu, le méditant, qui se retire dans un endroit isolé, on parle dans les Écritures de la forêt, le méditant s'assied au pied d'un arbre, ce sont des endroits très calmes, il est isolé, c'est-à-dire qu'il ne recherche pas la compagnie d'autres personnes, il aime se trouver tout seul, avec son attention, son esprit se calme et il perçoit clairement le Dhamma. Kaya Viveka, c'est donc la réclusion physique. Lorsque la pratique s'est développée, vous allez vous sentir calme et vous ne voudrez plus quitter ce monde de la méditation. Vous n'aimerez pas vous retrouver avec d'autres personnes car cela implique que vous ne pourriez plus être attentif. C'est cela, Kaya Viveka. Chitta Viveka, c'est la réclusion de l'esprit. Vous êtes donc capable dorénavant d'être attentif sans interruption au corps et à l'esprit. Vous observez sans interruption les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et toutes les sensations qui se manifestent à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de voir le corps dans son ensemble. Vous le voyez de façon panoramique. Tant que votre attention ne se sera pas développée, il n'est pas possible de voir cela. Mais lorsque l'attention se sera développée, vous pourrez voir les sensations qui apparaissent et disparaissent partout dans le corps, à très grande vitesse. Au moment où vous notez toutes ces sensations, il n'y a aucune impureté dans votre esprit. Votre esprit connaît donc Citta Viveka. Et si vous poursuivez votre effort et que vous continuez à observer avec cette même qualité d'attention, vous allez atteindre la libération complète Nibbana, que l'on appelle également Upatti Viveka. Vous serez alors complètement libre de toute forme d'impureté. Et tout ceci provient de l'attention, s'enracine de l'attention, dans l'attention. L'attention est donc très importante. Sans attention, il n'y aura pas de concentration. Sans concentration, il n'y aura pas de compréhension. L'attention se dit en pali sati, la concentration samadhi et la compréhension c'est la sagesse. Ces trois facteurs sont en interrelation, mais c'est Sati qui est l'élément central. C'est pourquoi le Bouddha a dit « Il n'y aura pas de concentration chez celui qui manque de sagesse, il n'y aura pas de sagesse chez celui qui manque de concentration. Celui qui détient la sagesse et la concentration est proche de Nibbana. » Donc, si nous voulons atteindre Nibbana, nous devons suivre les instructions du Bouddha et développer sati l'attention, samadhi la concentration et panya la compréhension. May you be well and happy. May you be able to practice meditation attentively. Then may you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Puissiez-vous tous être heureux et en paix, puissiez-vous être capables de pratiquer la méditation de façon attentive, puissiez-vous tous comprendre clairement le Dhamma et réaliser Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.